Moi je ne pense qu'à l'amour, mais l'amour veut-il de moi? Je ne pense qu'à l'amour, mais lui pense-t-il à moi? Oui, oh, oh, oh, j'aimerais pourtant bien rencontrer la fille dont j'ai toujours rêvé. Impatient, je l'attends depuis longtemps dans le grand jardin fleuri de mes longues nuits. Je ne changerai pas, je ne pense qu'à l'amour, et c'est bien mon droit. Car à 20 ans, c'est le moment de mener son cœur dans vos battants et de vivre sa vie à sa fantaisie. Et je peux danser, m'amuser, essayer de me saouler dans les rythmes endiablés. Je peux rester enfermé dans ma chambre sans parler pendant les soirées. Je peux sortir, revenir, fouiller dans mes souvenirs, rien ne peut me guérir. Je reste seul, abandonné, l'amour m'a oublié. Mais je ne pense qu'à l'amour, car l'amour c'est tout pour moi. Je ne pense qu'à l'amour, qui me glisse entre les doigts. Oui, oh, oh, oh, j'aimerais pourtant bien rencontrer la fille dont j'ai toujours rêvé. Impatient, je l'attends depuis longtemps dans le grand jardin fleuri de mes longues nuits. Je ne changerai pas, je ne pense qu'à l'amour, et c'est bien mon droit. Je ne suis pas celui qu'on croit, celle qui viendra le comprendra. Car je n'ai qu'une envie, aimer pour toute la vie. Et je n'ai qu'une envie, aimer pour toute la vie.